77 à titre posthume. Pourquoi John Mas? John Mas? Ok, on va faire du John Mas. Elle est un peu fort ma guitare, non? Ça sonne très... Les sons et tout, les accords, c'est... On se prend entre 85 et... John Mas. Des boutons sur le nez. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blotti au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. Ouais. Je te le fais la jam bass. You are ready to play French song. Mais c'est pas une French song, on a c'est la faute à Jean-Pierre ça, il a dit c'était John Mas. 1, 2, 3, 4. que tu as la basse? Do you have the bass line? 2, 3, 4. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blotti au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Ah ouais, je sais, et Jean-Pierre. Et puis Johnny, Johnny. Johnny, Johnny, ces gars ne comprend pas. Johnny, Johnny, cette femme n'est plus à toi. Johnny, Johnny. Et puis Johnny, Johnny, ces gars ne comprend pas. Non, Johnny, Johnny, cette femme n'est plus à toi. Je sais pas les accords quoi. Il a neigé sur les lacs et la montagne éternelle a dû regarder partir les lièvres et les tourterelles. Il a neigé sur les lacs et les amours infidèles garderont le souvenir des nuits qui n'ont pas sommeil. Neigé sur les lacs, sur la maison, sur la plaine, et le souvenir de toi me revient les jours de peine. Il a neigé sur les lacs, sur cet avion qui t'emmène, et la forêt dans le froid ne m'entend pas dire je t'aime. Ne m'entend pas dire je t'aime. Il a neigé sur les lacs et le facteur qui devine ce que les amoureux se disent n'est pas venu me faire signe. Il a neigé sur les lacs, sur la maison, sur la plaine, et le souvenir de toi me revient les jours de peine. Il a neigé sur les lacs. Il a neigé sur les lacs, sur la maison, sur la plaine, et le souvenir de toi me revient les jours de peine. Il a neigé sur les lacs, sur cet avion qui t'emmène, et la forêt dans le froid ne m'entend pas dire je t'aime. Je t'aime. forever young. I want to be forever young. Heaven can wait, we only watching the sky, hoping for the best, but it's painting the world. I'm gonna drop the bubble now. Less than die young, less than life forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, laughing the short, the music for the sadness. Can you imagine where the world is wrong? Turn on God and face into the sun. Praising our leader, we're getting into the music played by the man. Come on, come on, come on. Do you want to live forever young? To be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Faut que je C'est dur, c'est dur. I retry. Forever. To be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever. To be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever? Ok, I restart. 1, 2, 3, 4. this time, let's turn far away. Heaven can wait, we only watching the sky, hoping for the best, but it's painting the walls. We're gonna drop a bubble now. Let's just die young, or let's just life forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, laughing and shock. Music for the sad man. Can you imagine where the road is worn? Turn on God and face into the sun. Praising our leader, we're getting in tune. The music play by Monday. Some are melody and some are the beat. Sooner or later, the hour will be gone. Why don't they stay on? It's so hard to get up without a cause. I don't want to perish like a fading rose. You lie diamond in the sun, and diamond are forever. So many of us are giving up today. So many songs we forget to play. So many dreams ringing all the blues. Oh, let's come to, come on. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Forever and ever. Ah oui, Rolling Start. A restart. Have a restart. Two. Are you ready? One, two, three, four. Hoping for the best, but expecting the worst. We're gonna drop a bomb on us. Let's die on, let's last forever. We don't have a power, but we never say never. Sitting in a sandpit, laughing the short. The music for the side man. Can you imagine where we were this world? Turn on God. Raising a leader, we're getting it too. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Forever young, I want to be forever. Some are like the hits, some are the melodies, some are the beats. Sooner or later, they all will be gone. Why don't we stay young? It's so hard to get up, we've up to close. I don't want to perish like a fading rose. Yours like diamond in the sun, and diamonds are forever. So many of us to give it up today. So many songs we forget to play. So many dreams swinging of the blues. Come on! Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Forever, forever and ever. I want to introduce musicians. Introduce musicians. On the guitar player. Mr. Ivan Brazil and bass Kuyava Israel. Come on! Voilà, c'était ma chanson préférée du groupe.